Radio Cayenne. En échange d'une trace de douceur, rouge et noir. Hey, c'est de nouveau Radio Cayenne. Et on passe du coup à une rubrique passionnante, puisque ça nous vient de Nantes Passion. Voilà, j'ai reçu, comme beaucoup de gens qui habitent à Nantes, Nantes Passion dans ma boîte aux lettres. Et j'ai été très heureuse de pouvoir lire cet article sur les brigades vertes. Enfin, en fait, j'ai beaucoup rigolé. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Désolée, je vais lire Nantes Passion. Valérie vous parle sur Radio Cahiers. Donc, créée en janvier, cette brigade de 6 agents assermentés a pour mission de dire stop aux dépôts sauvages. Ses armes, pédagogie, médiation, contrôle, mais aussi verbalisation. Au centre technique Félix Éboué à Rezé, où sont basés les agents métropolitains du nettoiement du centre-ville, la brigade verte prend ses marques. Médiateur, agent du nettoiement ou de la collecte, agent de surveillance de la voie publique, les métiers d'origine de ces 6 membres disent la volonté de la ville de mobiliser tous les services pour lutter contre les dépôts sauvages. Voilà, donc ce jeudi-là, la journée commence à 8h30, après un débriefing, les binômes partent en patrouille dans leur véhicule électrique, bah oui, hein, Nantes, ma ville est verte, tout ça. Leur mission, circuler en ville et repérer les dépôts sauvages, souvent situés à côté de colonnes enterrées. Nettoyer et retrouver les auteurs de dépôts sauvages. Les agents sortent gants et cutters et ouvrent les sacs, qu'ils referment ensuite avec un autocollant « Procédure, constat de dépôt sauvage en cours ». Alors là, quand même, si vous avez en tête quelque chose d'aussi ridicule que ça... Verbalise les sacs poubelles, c'est ça? Voilà, le ridicule ne tue pas, heureusement pour Nantes Métropole. Donc, il y a des brigades assermentées qui sont spécialement mises en place pour aller foutre des coups de cutter dans les sacs poubelles qui ne sont pas dans leur conteneur de destination. Et ensuite, ils referment les sacs gentiment avec des autocollants. Procédure constat de dépôt sauvage en cours. Bref, donc il dégaine alors son smartphone pour prendre une photo et l'envoie par mail avec la localisation du délit au responsable du secteur et au service nettoiement. Objectif, nettoyer rapidement et garder une trace de chaque intervention. Si la brigade parvient à identifier le responsable, il sera contacté par courrier. Bouh, ça fait peur! Mais je sais pas comment ils font pour retrouver le responsable. Il y a une partie police scientifique dans leur truc ou... Bientôt la police scientifique pour retrouver vos... c'est ça, des poubelles pour retrouver vos déchets qui sont mal localisés. Donc ça, c'est pas une blague, c'est véridique. La ville met en place du coup cette brigade verte. Donc vous noterez, voilà, ils sont là pour constater et foutre des coups de cutter et des autocollants et prendre des photos avec leur smartphone. Mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est pas eux qui ramassent, en fait. Eux, ils envoient juste le signalement et après, c'est une autre brigade qui vient ramasser. Et par contre, ils ont le pouvoir de verbaliser. Et du coup, je sais pas si vous avez vu un peu partout ces affiches fleurir, là, avec marqué que, du coup, il y a une verbalisation de 68 euros pour les auteurs de dépôts sauvages. Bon, ça fait longtemps que ça existe, mais après, c'était pas forcément beaucoup mis en place. Et là, je pense qu'ils vont essayer de un peu plus le mettre en place. Mais alors, cette affiche, en fait, elle m'a un peu choquée et énervée. Parce que, en gros, c'est marqué « Il y a des spectacles dont on se passerait ». Avec un point d'exclamation, ensuite c'est marqué 68 euros d'amende blabla, et en fait la photo c'est un espèce de tas de déchets devant le château. Et du coup, bah en fait, ouais, c'est sûr, il y a des spectacles dont on se passerait, mais sûrement pas les tas de déchets, en fait. Enfin, ça, c'est pas très gênant. En général, moi, plutôt, je me dis, ah, oh, chouette, des trucs à récup. Par contre, il y a des spectacles, effectivement, dont on se passerait, comme, je sais pas, le nombre de voitures de CRS et de gardes mobiles dans nos rues, les contrôles aux faciès. On aimerait bien arrêter de voir des gens aussi à la rue, crever de faim. Ouais, il y a beaucoup de choses dont on se passerait. Tout ce qui est la chasse aux pauvres, que ce soit dans le centre. Carrément. Donc voilà, les spectacles dont on se passerait. Donc, la Brigade Verte, il n'y a pas grand-chose à en dire. Peut-être on peut quand même citer les chiffres qu'eux-mêmes y mettent aussi dans le Nantes Passion. Du coup, 15 millions d'euros, c'est le budget annuellement consacré à la propreté. 5 millions d'euros supplémentaires donc sont investis là sur 3 ans dans le cadre du plan propreté de la ville. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre aussi? C'est 24 des 33 points noirs de dépôts sauvages identifiés avant l'été sont en nette amélioration depuis le début du plan propreté en juin dernier. Et c'est là que moi, ça commence à m'énerver. C'est que effectivement, moi, mes points de dépôt sauvages, là où j'avais l'habitude de récup des trucs, je dis moi, mais en vrai, ça concerne plein de gens qui ont l'habitude de faire de la récup, et ben, ça commence à disparaître, effectivement. Ce serait un petit peu drôle de brigade verte, on peut le prendre à la rigolade et comme une blague, parce que c'est ridicule, mais en fait, ça a aussi une certaine efficacité. Or, bon, on va pas non plus dire qu'ils sont méga efficaces et que c'est cette brigade, hein. Cette brigade, elle vient juste de commencer. C'est pas ça, le problème. Le vrai problème, en fait, c'est que ce plan propreté, c'est pas que avec ces brigades vertes, et notamment, il est beaucoup mis en place par Nantes Métropole Habitat, donc qui est un bailleur social, hein. C'est le principal, je crois, bailleur social de Nantes, donc les HLM, quoi. Donc la plupart des quartiers, en fait, et effectivement, le plan propreté, je sais plus c'est où que c'est expliqué, dans un des Nantes Passion ou autre, là, le plan propreté, il a surtout commencé par faire le nettoyage dans les quartiers, voilà, hein, comme par hasard, c'est toujours au quartier qu'on s'attaque en premier. Et donc, bah, Nantes Métropole Habitat est un grand acteur de ce plan propreté. Donc, a mis en place, en fait... alors là, je vous lis un autre bout, hein, d'article qui vient du journal de Nantes Métropole Habitat. Donc, pour lutter contre le phénomène des dépôts sauvages, Nantes Métropole Habitat expérimente depuis janvier l'intervention d'une nouvelle équipe dont la mission est d'évacuer les déchets volumineux déposés aléatoirement. Équipée d'un camion avec grappin et d'un véhicule suiveur, l'équipe est constituée de 6 personnes. Elle intervient 3 demi-journées par semaine, donc le mardi toute la journée et le mercredi matin. Je vous donne les infos quand même, c'est important parce que si vous voulez faire de la récup, du coup, faut savoir que mardi toute la journée et mercredi, eux, ils ramassent. Donc, faut y aller avant. Bref, selon le circuit conçu en collaboration avec les services de la ville de Nantes Métropole, du coup, le circuit dessert 12 points de passage identifiés. Il y a une première collecte mécanique des déchets abandonnés avec le gros camion grappin, là. Il y a une deuxième collecte manuelle des déchets restants et avec un nettoyage, etc., qui est assuré par le véhicule suivant. Et du coup, là, ça me fait beaucoup moins rire parce que effectivement, dans le quartier où j'habite, ben moi, j'ai vu la plupart des points de dépôt sauvage disparaître, quasiment. Et du coup, c'est très chiant. C'est très chiant quand la moitié de ma garde-robe vient de ces dépôts sauvages, quand la moitié des meubles de mon appartement viennent de ces dépôts sauvages, etc. Je sais pas si ça va marcher tout le temps. Enfin, je pense qu'il restera toujours des déchets et des choses à récup à droite à gauche, c'est sûr. Mais ça a quand même bien, bien diminué... bah, les déchets disponibles, en fait, les déchets accessibles, les déchets gratuits. Et ça, bah, voilà, c'est pas vraiment nouveau. Enfin, on voit bien dans mon quartier comment ça a évolué. C'est nouveau, effectivement. Ils ont mis des moyens pour faire disparaître les déchets et les rendre inaccessibles. Mais cette politique de vouloir finalement enlever la possibilité de la gratuité au niveau de la récupération des déchets, bah, ça, c'est pas nouveau. Oui, enfin, ça fait déjà plusieurs années qu'on le voit aussi dans les déchetteries de la ville, notamment. Et puis, bon... un petit peu toutes les déchetteries. Ouais, en fait, tous les déchets sont de plus en plus sécurisés un peu partout. Effectivement, les déchetteries, ça fait déjà un moment qu'il y en a beaucoup qui maintenant sont protégés. Alors, non seulement par des grillages, mais par des alarmes, des barbelés, des machins, des trucs et des bidules. Et qu'avant, c'était très facile de venir en déchetterie et de pouvoir récupérer des choses dans les bennes autant que d'en déposer. Et c'est plus le cas maintenant. Les poubelles du supermarché, c'est pareil, on compte plus le nombre de supermarchés qui sécurisent leurs poubelles, foutent des grillages, des alarmes ou de la javel dans leurs poubelles. Ça arrive quand même régulièrement que des personnes se fassent arrêter parce qu'elles font les poubelles, quoi, en fait. Mais voilà, donc le super plan propreté de la ville, et bah, moi j'ai envie de dire... Je l'emmerde, quoi, et puis ça fait chier, quoi, parce que c'est en fait une partie de nos ressources qui est en train de nous être rendue inaccessible. Et alors du coup, pour continuer sur ce plan propreté, donc là, j'ai raconté un peu la collecte des encombrants, en fait, enfin, plus que les encombrants, parce que la collecte des encombrants, elle existait déjà, mais du dispositif supplémentaire et complémentaire, là, dans les quartiers avec Nantes Métropole Habitat, mais il y a aussi la mise en place des locaux e-citri. Ça, apparemment, ça fait plusieurs années que ça existe, et du coup, ben, en fait, à la base, c'est pas forcément con, c'est un endroit où tu peux déposer tes encombrants quand t'as pas de voiture, par exemple, et que tu peux pas aller en déchetterie, bah bim, tu les déposes dans le local e-citri. Et le local e-citri, bah apparemment, il y en a 18 qui ont été mis en place dans les, bon, en gros, dans les HLM, quoi, et qui sont ouverts 2 jours par semaine. Alors moi, j'ai essayé de savoir quand est-ce que mon local e-citri était ouvert, j'ai pas trouvé l'info, mais voilà, à chaque fois que je suis allée devant la porte, c'était fermé, puis il y a pas les horaires dessus, donc c'est génial. Mais bref, Tout ça pour dire que du coup, la plupart des trucs qui sont ramassés par le camion grimpant, j'ai l'impression qu'il y en a une partie, enfin ce qui est plus ou moins réutilisable, ça va au local Icitri. Et que les trucs qui sont déposés au local Icitri, ensuite ça va à la ressourcerie. Donc je ne sais pas si vous connaissez la ressourcerie. En gros, c'est une association qui emploie des précaires, enfin qui fait des contrats de réinsertion blabla, vous voyez. Et du coup, ben, ils récupèrent des déchets comme ça, là, et puis ils les revalorisent, c'est-à-dire ils les réparent, et puis ensuite ils les revendent à petit prix. Alors c'est pratique, hein, moi j'aime bien aller à la ressourcerie, c'est chouette. On trouve des trucs à pas cher, mais n'empêche qu'il faut aller jusque là-bas, que c'est pas gratuit. En fait, des choses que je trouvais gratuitement au pied de mes tours, ben maintenant, en fait, il va juste falloir que j'aille en ressourcerie, que je paye, et voilà quoi. Et puis bon, il y a plein de choses aussi qui sont considérées comme des déchets alors qu'ils n'en sont pas forcément. Vous voyez, une chaise qui est pétée, bah si moi j'ai du temps et de l'envie et de la capacité de la réparer, ben je la ramène chez moi, puis je fais ça, je me motive, puis je suis contente, ça m'occupe, et puis j'ai une chaise personnalisée, puis tout ça quoi. Enfin, vous voyez. Tu veux tuer le commerce des meubles, en vrai, c'est ça. Mais en vrai, par exemple, si le camion à grappin de MNH là, il se ramène et qu'il prend la chaise, bah ça se trouve, elle ira même pas à la ressourcerie. Quoi. Elle sera considérée comme pas réutilisable, et puis voilà quoi, elle sera juste broyée et enterrée avec le reste dans les déchetteries ou mis en incinérateur. Enfin voilà quoi. Qu'en fait, on est beaucoup de précaires donc à faire de la récup, à vivre sur les déchets du capitalisme. Alors, c'est pas forcément hyper satisfaisant de vivre juste sur les déchets du capitalisme, mais n'empêche que c'est quand même pratique. On est plein aussi à avoir du temps, en fait, du temps et des capacités de bricolage, et du coup, ben ouais, des fois on récupère juste. Une planche et trois vis, un cap de vélo, un machin. En fait, enfin, sur les déchets, il y a plein de choses qui sont réutilisables. Si les gens font de la couture, là, tu récupères des bouts de tissu, tu refais plein de trucs, en fait. Enfin, c'est hyper chouette de pouvoir faire plein de trucs de ses mains et d'avoir de la matière première au pied de chez nous, quoi. Enfin, en fait, un peu partout en ville. Sans compter tous les trucs qui sont déjà en très bon état qu'on peut récupérer dans la rue, hein, parce qu'il y en a aussi, quoi. Personnellement, je me dis que ce serait assez intéressant d'essayer de s'organiser aussi. Pour visibiliser ça, en fait, visibiliser qu'ils nous enlèvent une partie de nos ressources et qu'en fait, la revalorisation des déchets dont ils se targuent, en fait, on la fait très bien tout seul. Puis on n'a pas envie qu'elle soit chapeautée par eux, qu'elle soit conditionnée par leurs trucs et leurs machins, là. Ben, en fait, nique la ressourcerie, je peux le faire moi-même, quoi, aussi, tu vois. Et ben ouais, j'aimerais bien qu'on essaie de faire des trucs par rapport à ça. Et en tout cas, enfin, moi, une des idées et des pistes que j'aurais, hein, après, c'est un truc vite fait comme ça, c'est de dire, ben, les locaux Icitris, finalement, c'est comme des mini-déchetteries. Du coup, faudrait aller voir si ça pourrait pas se transformer un peu aussi en zone de gratuité et en dépôt sauvage accessible, quoi. Parce que les dépôts sauvages, ils avaient le mérite d'être visibles dans la rue, mais ils avaient le gros inconvénient de prendre les intempéries. Ça, c'est vrai, hein, faut le reconnaître, c'est chiant. Du coup, bah, un local où tu peux mettre tes trucs, bah, c'est génial. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous connaissez les Leafbox. Pour le coup, c'est un peu institutionnel, mais associatif, quoi. Mais c'est quand même une meilleure idée que la ressourcerie. Parce que c'est des endroits avec des cabanes, quoi, on va dire, où les gens peuvent déposer des choses et emporter des choses. Gratuitement, sans aucune surveillance. Il y a juste des bénévoles, en gros, qui viennent de temps en temps retrier, renettoyer, quoi, pour pas que ce soit trop le bordel dans ces boîtes, quoi. Mais c'est à peu près tout. Après, apparemment, c'est un peu compliqué de réussir à en mettre en place parce qu'effectivement, les autorisations, la mairie, blablabli, blablabla. C'est toujours les pouvoirs publics qui nous emmerdent et qui nous empêchent de mettre en place des trucs vachement pratiques comme ça. Et bah, des locaux Icitri, peut-être ils pourraient servir de zone de gratuité, quoi. Enfin, moi, je me dis, vu qu'il n'y a plus moyen de se balader, de récupérer ce qu'on veut dans les tas de déchets au pied de chez soi, ben, autant qu'on puisse le faire dans ces locaux. Alors voilà, j'ai encore réussi à aller dans ces locaux-là. Du coup, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais je pense que voilà, il y a moyen, peut-être, de négocier des trucs, de récupérer. Je sais pas, il devrait y en avoir 13 nouveaux points à venir. Bon, et en tout cas, bah, moi je vais essayer de continuer à mener mon enquête sur ces locaux et je vous dirai si ça marche, si on peut vraiment récupérer des trucs dans ces locaux et auquel cas, bah, ça pourrait être intéressant de les lister, de lister leurs horaires d'ouverture et de rendre ça accessible aux gens en mode, bah ça c'est des zones de gratuité quoi. Et bon, bah s'ils veulent pas que ce soit en soi, bah on pourrait peut-être aussi se battre pour que ça en devienne quoi. Parce que pour le coup, avoir des locaux comme ça à l'abri... Et identifier avec des horaires où on peut récupérer des trucs, ça peut être intéressant. Si tout est gratuit, c'est pas mal. Ouais, c'est presque un acquis social. Bah ça pourrait le devenir. Mais en tout cas, voilà, si on contrecarre un peu les plans de la ville, peut-être, et qu'on insiste pour faire de leur initiative ce que nous, on a envie et besoin, bah, peut-être ça pourrait le devenir. Après, ça demande de collectivement rien lâcher, s'organiser. C'est pas eux tout seuls qui y penseront hein, à faire des choses qui nous facilitent la vie. Hein. Bref, peut-être on écoute un peu de musique et puis ouais. On revient tout à l'heure. Calais, Calais, Calais. j'écoute pas si c'est pas Cayenne. Si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. J'écoute pas si c'est pas Cayenne. Si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engager. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Et bah, du coup, on était en train de parler du plan propreté de la ville de Nantes. Je crois qu'on a un peu fait le tour. J'espère que c'était un peu clair ou quoi. Du coup, voilà, encore une offensive faite sur nos déchets. Et aussi bah, une brigade de plus pour sanctionner les gens sur des trucs à la con, comme « Oulala, t'as déposé un sac poubelle au mauvais endroit » ou « Tu as déposé, je sais pas moi, un objet ». Là où fallait pas. Voilà. Chaque chose a sa place. Exactement. Et du coup, moi, ça me faisait penser qu'il y a d'autres histoires comme ça. Bon, après, j'ai pas les trucs en tête précisément, mais je sais qu'il y a d'autres histoires comme ça aussi de gens qui se font verbaliser là dans d'autres villes sur des trucs du genre « Oh là là, tu as craché sur le trottoir. Oh là là, tu as fait pipi au mauvais endroit. » Et du coup, j'ai l'impression aussi, avec tous leurs trucs d'aseptiser la ville, de surveiller la ville... Ouais, c'est un petit peu un tout... Enfin, sur la normalisation des comportements dans l'espace public aussi. Et du coup, ils intensifient un petit peu leur charse et leur verbalisation de ces trucs-là, parce que ça existe déjà dans la loi depuis un moment, en fait, mais d'habitude, c'est pas forcément trop appliqué, tellement c'est, je sais pas comment dire, anecdotique, ridicule, vous voyez, ce qu'on appelle les incivilités. Et ils sont de plus en plus axés sur la chasse à tout ça, et effectivement, ça rend dans ce truc de normaliser tout un chacun, quoi. Oui, Et puis ça s'inscrit un peu dans cet élan de la ville de Nantes, notamment pour, on va dire, aseptiser le centre-ville, commerce notamment, qui est en train d'être entièrement refait. Commerce et bouffet, qui sont vraiment là, les nouveaux endroits qui ont été refaits à neuf il n'y a pas longtemps. Bientôt, il y aura aussi Quartier Nord, là, qui est en plein travaux. Quartier Gare Nord, pardon. Oui. Qui est en plein travaux et qui est en train d'être tout remasterisé. Et puis, bien sûr, Petite Hollande dans les années à venir, qui risque aussi d'être bien amoché, là, je vous dis ça. Jusque le Bas-Chantenay, quoi. Ouais, j'imagine. Bah oui, avec tout l'arbre et rond, machin. Et en tout cas, oui, c'est sûr qu'on a bien constaté, là, bouffet, commerce. Le fait qu'il y ait des espaces ouverts, ça fait que plein de gens peuvent se poser, etc. Mais par contre, on voit aussi... c'est un truc de contrôle. Ouais, c'est ça. Un gros harcèlement policier, moi, je trouve, ces derniers mois. Honnêtement, hein, je vois autant les keufs à bouffet maintenant que dans les quartiers, quoi. Et j'ai l'impression vraiment qu'en ce moment, ils chassent énormément. Il y a énormément de contrôle aux faciès. Ils font chier les gens tout le temps. Ouais, même... rien que leur présence, un peu insistante, enfin... Je vois que moi, cet après-midi, j'y étais posé et il y a une voiture de la BAC et une voiture sérigraphiée qui sont posées pendant quand même très très, très longuement, pas loin, quoi. Ouais, c'est pas rare, moi, que je vois des cars de la CDI, c'est pareil, rouler sur des endroits qui sont normalement réservés aux piétons. Ils roulent tout doucement... De temps en temps, ils descendent, bim, ils entourent un groupe, ils contrôlent tout le monde, hop, ils repartent. Des fois, ils sortent même les chiens, tout ça. Enfin, c'est vraiment la pression constante. Ils tournent autour de tout le monde. Tu peux pas vraiment te poser dans l'herbe tranquille, quoi. Enfin, je veux dire, t'as l'impression d'être hyper surveillé et sous pression tout le temps. Enfin, t'as l'impression que tu vas te faire contrôler 15 000 fois. Après, je pense que ça dépend vachement de ta couleur de peau quand même. Hein. Ça, c'est clair que j'ai remarqué aussi. Hein. C'est un véritable harcèlement en centre-ville, comme on en connaissait pas trop avant, quoi. Avant, c'était peut-être les sorties de bar, certaines journées, bon, pendant les manifs, les trucs comme ça aussi, mais de façon quotidienne et en plein après-midi, c'était moins le cas. Centre-ville, c'est identifié comme un quartier plutôt touristique, bourgeois ou je sais pas quoi, et que du coup, souvent, il y avait moins de présence policière et c'est plus le cas maintenant. Yeah. Voilà, monsieur, brigade anti-odeur, qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez une odeur non conventionnelle. J'y peux rien, il commence à faire chaud, enfin, je sais pas. Mais c'est pas possible, là, vous sentez beaucoup trop des aisselles, hein. Excusez-moi, ça va pas être possible, on va être obligé de verbaliser. Vous savez que vous encourez 68 euros d'amende. Non, mais là ça fait une heure que je marche, c'est normal, enfin, je veux dire. Non, c'est plus possible, hein. on a dit ça m'assère plus un moment, d'odeur sauvage dans la ville, on ne veut plus d'odeur sauvage. Non, mais en vrai, c'est même pas moi, j'ai un fromage dans mon sac, ça doit être ça, là. Écoutez, on va vérifier ça. Je vais ouvrir votre sac et puis j'apposerai un autocollant procédure constat d'odeur sauvage en cours. Hein, voilà, nous sommes la brigade anti-odeur, pédagogie, médiation, contrôle, mais aussi verbalisation, monsieur. Donc faites attention, Je vois bien le côté pédagogie. Donc vous l'aurez compris, c'était une petite blague qui faisait référence du coup aux brigades vertes dont on a parlé tout à l'heure, mise en place par la ville de Nantes. Et là, on se moquait d'eux en élargissant effectivement le contrôle des comportements odeurs de dessous de bras. On se disait que les 5 auditeurs qui nous écoutent en ce moment méritaient ce petit moment de théâtre improvisé. Oui, tout à fait. Était totalement au point. C'est de l'improvisation totale, mais bon, voilà. C'est Cayenne, hein. Oui.